One, two, three, four! Punk, c'est un mot anglais qui veut dire minable, moche. Oh, I'm so educated. Les punks se font remarquer par une tenue volontairement minable, provocante. Les punks aiment la musique et en particulier le rock and roll. One, two, three, four, one, two, three, four. She's the one, she's the one, she's the one. Oh yeah, oh yeah. What's your favorite punk? Punk? Oh, London lady, why did you lay me? Once Upon the Punk, les archives du punk by Jackal sur Radio Web Passion. Came up from nowhere. Well, Retrouvez Once Upon the Punk tous les mercredis soirs à partir de 19h40-19h45 dans l'émission Hot Rods sur Radio Web Passion.